La santé. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La santé, c'est le résultat d'un état de bien-être physique, émotionnel et mental. La santé est favorisé entre autres par une saine gestion des pensées, des émotions et du corps physique par l'individu. Cette gestion peut éviter l'usure prématurée du corps physique. Pour favoriser sa santé, l'humain en fusion avec l'esprit peut tenir compte de sa capacité de lecture vibratoire tout en prenant en considération les recommandations de la science médicale actuelle envers la population en général. Par exemple, cela peut être de faire de l'activité physique régulièrement pour maintenir le corps en forme, d'avoir une saine alimentation en évitant de fumer la cigarette et les abus de consommation d'alcool. La maladie est en relation notamment avec une ou des vibrations qui créent un déséquilibre dans l'organisme. La qualité de gestion des pensées a une incidence sur la santé. Cela s'explique, entre autres, parce qu'elle peut occasionner des répercussions sur le plan émotif et physique. Par exemple, une personne qui vit trop de stress en réaction à des pensées peut avoir des problèmes d'insomnie qui vont affecter son corps physique et l'amener à avoir moins d'énergie le jour. Par conséquent, il est important que l'individu soit capable de se distancer des pensées en ne les prenant pas de manière personnelle, car elles ne proviennent pas de lui. Lorsque l'esprit entre en contact directement avec l'humain, dans le cadre de la fusion, l'individu ne peut pas tenir pour acquis que sa contrepartie cosmique va effectuer ce travail de distanciation à sa place. Car il appartient à l'individu de le faire par lui-même. Cela est d'autant plus vrai qu'en plus du plan astral qui peut lui acheminer des pensées impertinentes, son propre esprit peut agir aussi de la sorte pour tester sa maturité à faire une gestion intelligente de sa psyché. Ainsi, l'humain ne doit pas se fier à aucune entité. L'individu qui se conscientise doit apprendre à gérer par lui-même sa santé avec intelligence. Il devra être actif dans sa vie pour améliorer ou maintenir sa santé. Il ne doit pas attendre après les autres pour le faire à sa place, car sinon, il risque d'attendre longtemps. Pour qu'il y ait une guérison chez une personne, il faut, entre autres, qu'elle se mette en action pour la favoriser. Cela peut être de consulter des spécialistes de la médecine officielle ou parallèle avec discernement, de bénéficier de soins, de prendre des remèdes, de gérer sa psyché avec la volonté de guérir, de changer son mode de vie et de demander à l'esprit de l'information se rapportant à son problème de santé. Par contre, en dépit de toutes ces actions pouvant être effectuées par elle, il faut que son esprit veuille qu'elle guérisse. Tant que la fusion n'est pas complétée et que la volonté de l'âme et celle de l'esprit ne sont pas entièrement unifiées, il peut arriver des situations où la volonté de l'âme, que le corps physique soit rapidement guéri, puisse diverger de celle de l'esprit à ce sujet. Pour des raisons que l'âme ne veut pas voir ou n'est pas en mesure de percevoir en raison de son manque de sensibilité à la vibration de son esprit, de sorte que cette guérison ne se produise pas aussi rapidement qu'elle le désire. L'esprit sait que c'est parfois à travers les périodes de maladie que l'individu devient plus ouvert à l'écouter. Alors que lorsque cela va bien dans sa vie, il n'est pas nécessairement intéressé à tenir compte de son point de vue pour apporter des changements créatifs à son mode de vie. Par contre, lorsque la fusion sera pleinement complétée entre ces deux entités énergétiques, L'être intégral aura la possibilité de commander à la matière et guérir le corps s'il le juge pertinent. La puissance de sa vibration pourra commander une altération créative de la forme de son corps physique en fonction de sa volonté qui sera alors intégrale. Toutefois, il est important de comprendre que, dans cette optique, la volonté de l'âme d'origine, n'ayant pas intégré l'énergie de l'esprit, s'avère sous l'influence du plan astral. Ainsi, elle ne sera plus la même que celle de l'être intégral produit par sa fusion avec l'esprit qui l'amènera à devenir une entité différente. Ce phénomène de divergence de volonté est comparable à celui qu'il y a chez le même individu lorsqu'il est enfant et ensuite lorsqu'il est adulte et que sa vision des choses a changé. Nous pouvons poser la même question à une personne à deux moments distincts de sa vie et nous pouvons obtenir des réponses différentes. Par conséquent, entre l'être inconscient et celui conscient, la vision de la maladie peut être très différente. Ce n'est pas parce que quelqu'un entame un processus de conscientisation que cela veut nécessairement dire que sa vie sera exempte de maladie. Ce processus peut favoriser la santé, bien qu'il n'en soit pas garant. Autrement dit, l'individu ne doit pas s'engager dans un processus de conscientisation dans l'espoir que cela va lui permettre de ne pas être affecté par la maladie, car il risque d'être désappointé. Il doit plutôt le faire pour gérer sa psyché adéquatement et vivre la paix dans son mental, et cela peu importe l'événement difficile auquel il pourrait être confronté. Agir ainsi lui évite de se créer des attentes inutiles à l'égard du processus. Si un individu qui vit la fusion s'avère atteint d'une maladie dégénérative irréversible et se trouve sur le point de mourir, il peut tout au moins discuter avec son esprit pour avoir son point de vue sur son état de santé à défaut de pouvoir le guérir. Ultimement, l'individu conscient sera suffisamment solide dans son mental pour ne pas se laisser déstabiliser psychiquement par une maladie grave. Il ne donnera pas le pouvoir à la maladie de perturber sa paix mentale. S'il réussit à ne pas émotiver la maladie en y réfléchissant constamment, il évite alors de se créer un surplus de souffrance psychologique inutile. Il ne fera pas du déni de son état réel, mais il n'y réfléchira pas exagérément. Les maladies peuvent découler, entre autres, de programmation génétique inadéquate du corps physique au moment de sa conception ou être en lien avec l'exposition à des substances toxiques. Certaines maladies peuvent être traitées par la science médicale actuelle et d'autres par le rayonnement de l'énergie de l'esprit qui a la capacité d'altérer le fonctionnement des cellules pour les reprogrammer d'une manière adéquate. Donc, toutes les maladies peuvent être guéries et cela peu importe l'hérédité de l'individu et la toxicité de l'environnement dans lequel il se trouve. Par contre, ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt évolutif de toutes les âmes que les maladies le soient. La maladie peut être utilisée par l'esprit pour créer un choc à l'ego de la personne orgueilleuse pour l'amener à s'ouvrir à sa présence. Par conséquent, il se peut que certaines maladies soient des opportunités pour amener des individus à remettre en question leur comportement habituel et à prendre contact d'une manière volontairement consciente avec l'esprit. Parfois, la période de repos que connaît un individu qui est gravement malade en étant alité le rend propice à faire de l'intériorisation, c'est-à-dire d'être attentif à son monde intérieur et à la voix de son esprit qu'il n'écoute pas habituellement. En effet, si la personne passe ses journées à être couchée, elle est moins distraite par le monde extérieur et les activités comme le travail et les loisirs. Cela peut être une occasion propice pour elle d'écouter, pour la première fois, sa petite voix intérieure et de discuter avec elle. Ainsi, la maladie peut avoir une utilité évolutive et elle ne doit pas être vue nécessairement d'une manière négative par l'individu. Cela s'explique parce qu'elle peut servir positivement son évolution en l'amenant à prendre conscience de son esprit et apporter ensuite des changements intelligents dans sa vie qu'elle n'aurait jamais réalisé autrement pour retrouver et conserver sa santé. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte portant sur la santé.